أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ce qu'il dit: le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Et donc on a vu sur tafsir de certaines ayats. Donc إذا رأينا تفسير بعض الآيات حتى الإنسان المسلم يستفيد. ولا القاعدة أنه لا يجوز يفسر القرآن برأيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Donc la règle, donc on l'a vu, c'est que la personne n'est pas permis d'interpréter son propre avis, ni encore, donc en parlant de surtout ce qui est en français autre que l'arabe, c'est ne pas regarder, c'est pas en regardant les applications tafsir ou les livres soi-disant traduction, parce qu'on a vu ces gens-là, la plupart ils maîtrisent pas la religion, ça on insiste, ils se copient les uns les autres, c'est-à-dire que le premier il a fait l'erreur, puis les gens ils copient les uns les autres. Et donc, kunna fkarna an Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما اللي هو الرسول دعا له اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب وفسر عدة آيات شفنا. Donc on a vu le tafsir Abdullah ibn Abbas qui est le cousin du prophète عليه الصلاة والسلام, et qui lui, le prophète lui a fait l'invocation pour qu'il peut interpréter le Coran, qu'il a interprété pas mal de ayats qu'on a vu quelques-uns. رأينا مثال في الآية فأينما تولوا فثم وجه الله قلنا أي قبلة الله للصلاة النافلة للذي يركب الدابة. نطعم الله في فأينما تولوا فثم وجه الله. عبد الله بن عباس il a dit وجه الله ici c'est la qibla agréée par Dieu pour celui qui prie, qui fait une prière nafila. Il peut prier n'importe où dans le voyage sur une monture. On a expliqué les détails sur ça. إذن وكان عبد الله بن عباس يقول وأنا من الراسخين. رأينا هذا لأنه شرحنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. معناها يعني هذه الآيات المتشابهة يعلمها معنى تفسيرها الله والراسخين في العلم كأمثال عبد الله بن عباس. Et donc il disait, je fais partie de ceux qui sont versés dans la science. Parce que Allah dit dans le Coran, donc un verset qui signifie, pour les ayats non explicites, il ne sait leur interprétation que Allah et ceux qui sont versés dans la science. Et lui, il disait, je fais partie de ceux qui sont versés dans la science. Et donc, من الآيات كذلك التي وردت في القرآن من الآيات المتشابهة الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. قال علماء الإسلام أمثال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات استوى قال بمعنى قهر وحفظ وأبقى. قال والاستواء بمعنى القهر والغلبة شائع في اللغة. ثم ذكر الإمام البيهقي أبيات شعرية قال ذكرها يعني شاعر قال استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. إذن ماذا قال؟ والاستواء بمعنى القهر والغلبة شائع في اللغة, لأن القرآن بماذا؟ بلسان عربي مبين. والصحابة نزل على من؟ نزل القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة كان يخاطب صحابة، ما كانش يخاطب ناس يعني يحكي بالتونسي والجزيري ومغربي في عهد الرسول، ماذا يتكلم بالعربية الفصحى، يعني يعرف اللغة ويعني أوجه اللغة والمجاز إلى غير ذلك، يعرفون هذا. تعلموا العقيدة، رأينا قال واحد من الصحابة اسمه جندب بن عبد الله فيما رواه الإمام بن ماجه: كنا ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فتعلموا العقيدة الإسلامية ويعرفوا اللغة العربية، عندما يسمع الرحمن العرش استوى لا يعتقد معنى الجلوس، لأنه تعلم العقيدة، ليجلس لا يكون واحد، ليجلس لا يكون واحدة، لأن عقيدة المسلمين الله واحد كما قال الإمام أبو حنيفة: والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له، لا يشبه شيء، هذا معنى واحد، لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، ليس أحد لأحد صفة كصفاته. تعلموا العقيدة فلا يعتقد معنى فاسد، ويعرفون استوى عندها عدة معاني في اللغة العربية، فبطبيعة الحال أنه يميل فكرهم إلى المعنى الصحيح. فالإنسان في كل حال إذا سمع هذه الآية واعتقد في حق الله الجلوس، هذا ليس مسلم مهما كان جاهلا، ليس له عذر، لأنه ماذا قلنا؟ الله قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير، يعني لابد أن توزن بالعقل، الله أعطاك عقل لا يجوز تخالف العقل، لا يجوز تخالف العقل، الله أعطاك العقل مسؤولا، الذي يجلس لا يكون خالقا، ليكون في مكان مخلوق. وهذا الدليل العقلي أن الإسلام هو الدين الصحيح الوحيد في بين كل هذه الأديان. ما هو الدين الوحيد الصحيح؟ هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ودليله العقل، لأنه عقيدة الإسلام الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان ولا بالجهة ولا بالكمية ولا بالمقدار ولا بالشكل ولا بالصورة. أما الأديان الأخرى عقيدتها في حق الله في الحقيقة يعبدون جسما، صورة، كمية، بقرة، شجرة، شمس، قمر، إنسان، صنم، هذه كلها كمية ومقدار وحجم وشكل. فالدين الإسلامي هو الدين الحق، لأنه عقيدة الإسلام الله ليس كمية ولا شكل ولا حجم، ليس كمثله شيء. فمن لم لا يعتقد ذلك لا يكون مسلما، لأنه لا يعبد الله، يعبد مخلوقات الله. Donc parmi les versets, on a vu aussi il y a un verset, donc beaucoup de gens posent la question dessus, c'est Ar-Rahman wa Arash Istawa. Bien sûr, quand on veut traduire, il faut traduire le sens. Parce que, par exemple, le mot Istawa, il a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens. Comment tu veux traduire? Est-ce que tu vas traduire tous les sens? Bon, linguistiquement, tu peux dire il a plusieurs sens, mais tu ne veux pas dire que le verset veut dire tous les sens de du mot. Non. Il faut choisir un sens. De toute façon, c'est qui choisit? Ce n'est pas nous. Il faut être savant. Il faut y avoir des règles. Le savant, même le savant, ce n'est pas un prophète. Il n'a pas la révélation. Donc il doit suivre des règles. Ces règles, ça vient d'où? Du Coran, du Hadith. Donc là, on a cité l'imam al-Bayhaqi, par exemple. L'imam Bayhaqi, c'est un savant très connu. Il a un livre, l'Asma wa Sifat. Il cite ce tafsir-là. Il dit, istawa ici, ça veut dire dominer. Al-Qahar wa al-Ghalaba, c'est-à-dire Dieu domine. Il a dit, istawa dans la langue arabe, dans ce sens-là, c'est réputé. C'est-à-dire, c'est le sens de dominer pour Istawa, c'est connu dans la langue. Il cite un poème chez les Arabes. Parce que pourquoi il cite un poème? Parce que comme il dit Abdullah ibn Abbas, justement, le grand savant, il dit قال عبد الله بن عباس إذا غابت عليكم معاني اللغة فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب. قال عبد الله بن عباس قال إذا غابت عليكم معنى انظروا في الشعر لأنه ديوان العرب، لأنهم كانوا يتكلموا بالسليقة. في الشعر لا ينظرون دليلا شرعيا، الدليل الشرعي القرآن حديث، ينظرون دليلا لغويا، دليل لغوي، لأنه كانوا قبل يتكلموا بالعربية الفصيحة والقرآن بلسان عربي مبين. Donc Abdullah ibn Abbas il dit justement, si il vous échappe un sens de la langue arabe, cherchez-le dans la poésie arabe. Parce que c'est-à-dire le recueil des arabes, entre guillemets. Ça veut dire, eux, ils parlaient la langue. En fait, là, bien sûr, il faut préciser, ils ne cherchent pas dans les poésies des preuves religieuses, pas du tout. Pour le halal et le haram, c'est dans le Coran et le hadith. Mais une preuve linguistique. Une preuve linguistique, parce qu'eux, ils parlaient l'arabe, originel, avec l'arabe soutenu, ces poètes-là. Donc, souvent, les savants, tu les trouves, pour illustrer un sens de la langue, il cite un vers de poésie pour montrer que ce sens-là, il existe, il est connu chez les Arabes. Je ne l'ai pas inventé comme ça. Ce n'est pas arbitraire le fait que j'ai dit ce mot, il a ce sens. Voyez le vers, tel poète ancien, donc il devient une référence dans la langue, il a dit ce mot-là dans tel sens. Souvent, on le trouve, ça. Alors là, il cite l'imam Bayhaqi, un poète qui dit « Istawa bishrun ala al-Iraq min ghayri sayf wa damin muhra ». Il cite le mot « Istawa » qui est attribué à un homme qui s'appelle Bishr. « Istawa » sur l'Irak, sans faire couler de sang, sans épée, sans faire couler de sang. Donc il dit « Istawa Bishr » sur l'Irak. Donc ici, il est clair qu'il ne vise pas que Bishr s'est assis sur l'Irak. Déjà, l'Irak, c'est un grand pays pour un homme, donc c'est le sens qui ne convient pas du tout. Donc ici, c'est dans quel sens? Alors, c'est dans le sens de dominer. Il a dominé l'Irak, Bishr, sans faire couler de sang, sans épée. Donc ce vers-là, il dit cela. C'est-à-dire, le mot istawa, il a ce sens de dominer. Donc là, alors il a dit, ça veut dire Dieu domine le trône. Donc là, c'est une bonne traduction, parce qu'il a traduit. Pourquoi? C'est pas parce que lui, c'est le Bayhaqi. Le Bayhaqi, c'est pas un prophète. Parce qu'il a suivi des règles. C'est qu'il a pris un sens qui existe dans la langue arabe, d'une. Il existe dans la langue arabe, ce sens-là. Il a choisi parmi ces sens qui existent dans la langue arabe, pour ce mot-là. Il ne l'a pas inventé. Et bien sûr, ce qui est le plus important aussi, c'est que c'est un sens qui est digne de Dieu. C'est un sens qui est digne de Dieu. Parce que là, on parle de Dieu. On ne peut pas choisir un sens qui n'est pas digne de Dieu. Dans n'importe quel langage, si tu traduis, il faut un sens qui correspond au contexte. Même en français. Ce n'est pas pareil quelqu'un qui commence à parler français comme quelqu'un qui a fait l'académie ou il a fait la littérature. Pas pareil. Quand il parle, quelqu'un peut-être il a fait la littérature, un simple quelqu'un, il ne va pas le comprendre tellement il dit des mots soutenus. Donc, pour montrer qu'il y a des niveaux de langue. Par exemple, en français, on dit la table est dressée, l'animal est dressé. C'est exactement le même mot. Mais là, en changeant de contexte, donc tu vas regarder le contexte, et là, tu vas choisir le sens. La table est dressée, c'est pas pareil que l'animal est dressé. Là, tu parles d'un animal. C'est-à-dire, il est dompté. Et la table est dressée, tu vas pas dire qu'il est dompté, parce que c'est pas un animal. Ça n'a pas des pattes et ça bouge, la table. Bon. Ça, c'est dans les dessins animés. Donc, alors, vous voyez, en fait, c'est vraiment la religion, c'est facile. Ça montre que ça suit une logique qui existe dans tous les domaines, en fait, quand même, dans la rhétorique. Tu choisis un sens qui correspond au contexte, c'est logique. Pour montrer la stupidité de ceux qui sont aveugles, ils foncent dans le mur, ils traduisent n'importe comment. Et là, le contexte, ça parle de Dieu. Parce que le mot istawa, il a le sens de pousser, il a le sens de l'équivalence, il a le sens il a plein de sens, mais il y a des sens qui ne sont pas dignes de Dieu. On dit istawa ta'am, la nourriture est prête. Donc là, on ne parle pas d'une nourriture, on parle de Dieu, le créateur de l'univers. Donc il faut bien un sens qui correspond au contexte. Ici, en l'occurrence, ça parle de Dieu. Donc un sens qui est digne de Dieu, parmi ces sens qui existent dans la langue. Donc vous voyez, la démarche, elle est intelligente, la démarche des savants. C'est-à-dire, quand on dit « Al-Bayhaqi l'a dit », c'est pas « Oui, Al-Bayhaqi, il fait partie de ma famille, on le suit ». Non, c'est qu'il a suivi des règles, c'est ça. Et c'est là, ça vient, la parole qu'il a dit, l'imam Ali, « Laysa al-haqqu bi'arafu bil-rijali, walakinna al-rijali yarafuna al-haqq ». L'ibra, laysa fulan bil-ism, innama bil-haqq. Bayhaqi ou Nawawi ou fulan ou fulan, taba'a, ya'ni, adilla wa maraja'a, يعني لها يعني مرجعية شرعية واعتبار شرعي. اللغة لها اعتبار شرعي، القرآن والحديث هذا فيش كلام، والعقل كذلك كما بينا في الآية، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Donc comme il a dit le grand compagnon l'imam Ali, ce n'est pas par les personnes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les personnes. C'est-à-dire la preuve, ce n'est pas un tel, il s'appelle X, Y, Z. Non, c'est qu'il a suivi des preuves. Là, on a parlé de Bayhaqi ou autre, chef, Emel ou autre. Donc, il a suivi des preuves qu'ils ont une valeur religieuse. La langue, ça a une valeur religieuse, la langue, les sens linguistiques. Le Coran, le Hadith, et la raison, ça a une valeur aussi. Ça a une valeur parce qu'on a vu... dans Surat al-Mulk, « وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ » Ils ont dit « Si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. » Donc alors, on voit la gravité, surtout là, comme j'ai dit, les traductions, les applications, les... On trouve même chez Carrefour, soi-disant traduction du Coran, au marché, la religion, c'est pas comme ça. C'est le paradis ou l'enfer. Ils voient un joli livre. N'importe qui peut faire un joli livre. Un joli livre, c'est n'importe qui peut le faire. Donc, une belle application, oui, techniquement, c'est faisable. Mais la belle apparence ne garantit pas la validité et la fiabilité du fond, ce qu'il y a dedans. Et la plupart de ces gens-là, qui font les applications ou autres, ou les livres, que ce soit même dans le domaine, soi-disant, traduction du hadith, ou les temps de prière, etc. C'est des gens, ils n'ont que des compétences informatiques, technique ou rédactionnelle pour les livres, mais ils n'ont pas la compétence religieuse. Et puis souvent, ça cherche l'argent derrière. Ils cherchent l'argent derrière, il faut le dire. Donc, ils ne se soucient pas est-ce que c'est valable ou non, religieusement, ce qu'ils disent. Ils copient comme ça. Donc, faire attention. Il n'est pas permis de regarder, de suivre ces traductions où ils disent Dieu s'établit, ou il a des mains, ou la colère, il s'attribue à Dieu la colère dans des soi-disant traductions. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un million de téléchargements que ça garantit la fiabilité. Avec l'argent, tu peux payer en Chine, tu as des millions de téléchargements aussi. Donc tout ça, ce n'est pas une preuve religieuse, en tout cas, pour faire simple. Donc, il ne faut pas chercher la facilité. Vous voyez, avant, je voyageais à moi pour écouter un hadith. Pourquoi ? Parce que celui-là, il a une chaîne proche du prophète. Donc la religion, c'est pas je cherche les vidéos, aller sur internet, les applications, puis j'apprends. Non, on a besoin d'une chaîne de transmission. C'est là où tu auras la balance qui te permet de savoir le vrai du faux. C'est quand tu as acquis suffisamment de connaissances par transmission orale auprès de gens dignes de confiance. C'est comme ça. Donc comme on a dit, قلنا الرحمن على العرش استوى معناها حفظ وأبقى وقهر هذا أكثر علماء يعني بينوه كالبيهقي الإمام السيوطي في كتاب الإيقاد بعلوم القرآن فالإمام مالك عندما سئل يعني قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة يعني لأنه هو واحد سأله قال كيف هو قال لا يقال كيف في حق الله العلماء يقولوا موجود بلا كيف ولا مكان كيف قل كيف ملك الموت كيف الجنة كيف النار لأن الكيفية الهيئة والشكل هذه للمخلوق فقال الاستواء معلوم يعني مذكور في القرآن والكيف غير معقول لا يقال كيف لم يثبت أنه قال مجهول ما قالش مجهول الكيف هذا الثابت أنه قال كيف غير معقول لا يجوز الكيف في حق الله وهذا رواه الإمام السيوطي عنه والبيهقي والسيوطي روى نفس الكلام كذلك عن أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالت الكيف يعني غير معقول في حق الله يعني لا يجوز قول الكيف في حق الله pareil ce qui a été rapporté pour l'imam Malik comme l'a rapporté le Bayhaqi Suyuti que il a dit istiwa c'est cité il garde le terme en arabe istawa c'est-à-dire avec le bon sens qui convient mais il a dit comment c'est pas digne de Dieu il a pas dit on sait pas comment comme disent les gens égarés il a dit on dit pas comment c'est pas digne de Dieu comment pour l'ange pour le paradis l'enfer c'est comment ça implique la quantité la forme l'aspect Et Dieu est exempt de cela. Dieu n'est pas concerné par cela. Donc ça a été rapporté par le Bayhaqi, le Suyuti, dans l'Itqab fi Ulum al-Qur'an. Et il rapporte même cela de Umm Salam, à la femme du prophète, qu'elle dit comment Dieu en est exempt. Pour l'explication de cette ayah, Umm Salam. Il rapporte cela à l'imam Suyuti dans son livre, l'Itqab fi Ulum al-Qur'an. L'imam Suyuti cite qu'il a plus de 150 cheikhs. Donc ce n'est pas des gens qui ont bouquiné des livres, puis ils ont de l'argent pour passer à la télé. Donc c'est des gens qui ont... appris la religion par transmission orale avec des règles. Donc, il a dit « Istawa », c'est cité dans le Coran, mais on ne dit pas comment, au sujet de Dieu. On dit « Quel est le sens de Istawa ?» Ça veut dire « dominer, maintenir l'existence, préserver. » Ça, c'est le sens digne de Dieu. « Ma'na hafiza wa qahara wa abqa »« Hada ma'na wa la yajouz »« Hu Allah khalaq al-arsh »« La yahtaju ilayhi kana qablahu »« Man nasaba l'ihtiyaj ila Allah la yakunu muslima » Dieu existe avant le trône, le paradis. Celui qui attribue à Dieu le besoin... Il n'est pas musulman, ça contredit la religion. Dieu existe avant le trône, le paradis, l'enfer. Il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Allah mawjoud bila kayf wa la makan wa la yajri alayhi zaman. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad tahir amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala mursalina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.